Chapitre 4 Chez les sauvages. Le lendemain, toute la bande levait le camp et se dirigeait vers le village des Sioux. Les jeunes filles étaient à cheval. Les Indiens ne sont jamais embarrassés pour capturer des chevaux sauvages. Ceux de la bande en avaient pris deux qu'ils montaient, cédant les leurs bien dressés aux deux prisonnières qui étaient bonnes écuyères. On fit le voyage sans encombre. Toute la tribu sortit pour faire bon accueil au directeur. Seul Rayon d'or resta très froid. Il se tint à l'écart. « Si, dit-il à ses braves, j'étais le sachem, je les ferais tous attacher au poteau de la torture et je les ferais mourir dans les tortures. » Ils ne nous ont rien fait. Ce sont des scélérats. Ils ont volé une jeune fille blanche, leur sœur, et ils exigent une rançon. Qui de nous voudrait enlever la fille d'un de nos sachems et demander des fourrures de prix pour la rendre à son père? Ces gens-là ne sont que des brigands, et ils tromperont la tribu, et je dirais que c'est bien fait. Pourquoi nous associons-nous à leurs crimes? Les jeunes braves méditèrent ces paroles en dévorant des yeux les capturés. Mais, disait l'un, la blanche est un oiseau, une mouette. Oui, une mouette. C'est à regarder si elle a des ailes. Elle a l'air prête à s'envoler. Et l'autre, la noire, ne dirait-on pas qu'elle est teinte? Elle est belle autrement. Il voulait dire d'une autre façon que nos indiennes. Oui, très belle. Mais elle l'est tout à fait autrement, en effet. Une biche est belle, une femelle de jaguar est belle. Mais autrement. Et les réflexions continuèrent. Rayon d'or alla trouver sa mère et sa sœur. « Je suis maintenant, leur dit-il, votre maître. Puisque je commande à des braves, j'ai le droit de commander à des femmes. Donc, écoutez ceci. Je veux que vous gagniez l'amitié de la Française parce que c'est une fille de ma race. À sa mère, ce sera ta fille. À sa sœur, ce sera ta sœur. Moi, je suis son frère. » Et il attendit que la réception fût terminée. Elle fut courte. Un échange rapide de paroles pour l'entente des conditions, une simple collation à cheval et un prompt départ. Les bandits avaient hâte de faire parvenir à M. Dussonville la lettre que Mademoiselle Pelloir lui avait écrite, comme elle l'avait promis. Il était bien entendu que toute la bande réunie livrerait les fusils promis et qu'à toute la bande on rendrait la captive.